Livre de Jérémie, texte de la Bible catholique Crampon, enregistrement par mission-web.com. Chapitre 1. Parole de Jérémie, fils d'Elcias, un des prêtres qui habitait à Anatote, au pays de Benjamin. La parole du Seigneur lui fut adressée au jour de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Et elle le fut au jour de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation de Jérusalem au 5e mois. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, et avant que tu sortisses de son sein, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète pour les nations. Et je dis, ah, Seigneur l'Éternel, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et le Seigneur me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Sois sans crainte devant eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Puis le Seigneur étendit sa main et toucha ma bouche, et le Seigneur me dit, voici que je mets mes paroles dans ta bouche. Vois, je t'établis en ce jour sur les nations et sur les royaumes, pour arracher et pour abattre, et pour perdre et pour détruire, et pour planter et pour bâtir. Et la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Que vois-tu, Jérémie? Et je dis, je vois une branche d'amandier. Et le Seigneur me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et la parole du Seigneur me fut adressée une seconde fois en ces termes. Que vois-tu? Et je dis, je vois une chaudière qui bout, et elle vient du côté du septentrion. Et le Seigneur me dit, c'est du septentrion que le malheur se répandra sur tous les habitants du pays, car me voici qui appelle toutes les familles des royaumes du septentrion. Oracle du Seigneur. Et elles viendront, et ils placeront chacun leur trône à l'entrée des portes de Jérusalem, devant toutes ses murailles alentour, et devant toutes les villes de Juda. Et je prononcerai mes sentences contre eux, pour toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont offert de l'encens à d'autres dieux et adoré l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, de peur que je ne te laisse trembler devant eux. Et moi, voici que je t'établis en ce jour comme une ville forte, une colonne de fer et une muraille d'airain, devant tout le pays, devant les rois de Juda, devant ses princes, devant ses prêtres et devant le peuple. Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront rien sur toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Chapitre 2. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Va, écris aux oreilles de Jérusalem en ces termes. Ainsi parle le Seigneur. Je me suis souvenu de la piété de ta jeunesse, de l'amour de tes fiançailles, alors que tu me suivais au désert, au pays qu'on n'ensemence pas. Israël était la chose consacrée au Seigneur, les prémices de son revenu. Quiconque en mangeait se rendait coupable. Le malheur fondait sur lui. Oracle du Seigneur. Écoutez la parole du Seigneur, maison de Jacob, et vous toutes, famille de la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvée en moi, pour s'éloigner de moi, pour suivre la vanité et devenir eux-mêmes vanité? Ils n'ont pas dit, où est le Seigneur, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a guidés dans le désert, dans le pays aride et crevassé, dans le pays de sécheresse et d'ombre de mort, dans le pays où nul homme ne passe et où personne n'habite. Et je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour en manger les fruits et les biens, et, une fois entrés, vous avez souillé mon pays, et fait de mon héritage une abomination. Les prêtres n'ont pas dit « Où est le Seigneur ?» Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles, et les prophètes ont prophétisé par Baal, et ils ont suivi ceux qui ne sont d'aucun secours. Aussi je veux encore plaider contre vous, oracle du Seigneur, et je plaiderai contre les enfants de vos enfants. Passez donc aux îles de Sétim et regardez. Envoyez à Sédar et observez bien. Et voyez s'il y a là rien de semblable. Une nation change-t-elle de Dieu? Et encore, ce ne sont pas des dieux. Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui ne sert à rien. Cieux, étonnez-vous-en. Frémissez d'horreur et soyez stupéfaits. Oracle du Seigneur. Car mon peuple a fait double mal. Ils m'ont abandonné, moi, la source des eaux vives, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave? Est-il né d'un esclave dans la maison? Pourquoi donc est-il traité comme un butin? Contre lui les lionceaux rugissent, poussent leurs cris, et ils mettent son pays en dévastation. Ses villes sont incendiées, sans habitants. Même les fils de Noph et de Taphnès te tondent le crâne. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné le Seigneur, ton Dieu, au temps où il te dirigeait dans la voie? Et maintenant, qu'as-tu à faire sur la route de l'Égypte pour aller boire l'eau du Nil? Et qu'as-tu à faire sur la route de l'Assyrie pour aller boire l'eau du fleuve? Ton impiété te châtie, et tes rébellions te punissent. Sache donc, et vois combien il est mauvais et amer d'avoir abandonné le Seigneur, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte. Oracle du Seigneur, l'Éternel des armées. Car depuis longtemps tu as brisé ton joug, tu as rompu tes liens, et tu as dit « Je ne servirai plus. » Car sur toute colline élevée et sous ton arbre vert, tu t'es étendu comme une courtisane. Et moi, je t'avais planté comme une vigne excellente, tout entière d'une souche franche. Comment t'es-tu changé pour moi en sarment bâtard d'une vigne étrangère? Oui, quand tu te laverais à la soude et que tu prodiguerais la potasse, ton iniquité ferait tache devant moi, oracle du Seigneur l'Éternel. Comment dis-tu? Je ne me suis point souillé, je ne suis point allé après les Baals. Voici les traces de tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait. Chamelle légère, croisant ses pas en tous sens, onagre habitué au désert, dans l'ardeur de sa passion, elle aspire l'air. Qui l'empêchera de satisfaire son désir? Nul de ceux qui la recherchent n'a à se fatiguer. Il la trouve en son moi. Prends garde que ton pied ne se trouve à nu et que ton gosier ne se dessèche. Mais tu dis « Inutile ». Non, car j'aime les étrangers et j'irai après eux. Comme un voleur pris sur le fait et couvert de honte, ainsi ont été confondus la maison d'Israël. Eux, leur roi, leur chef, leurs prêtres et leurs prophètes, qui disent au bois « Tu es mon père » et à la pierre « Tu m'as mis au monde ». Car ils m'ont tourné le dos et non la face, et au temps de leur malheur, ils disent « Lève-toi et sauve-nous ». Où sont donc les dieux que tu t'es faits? Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps de ton malheur. Car aussi nombreux que tes villes sont tes dieux, ô Juda. Pourquoi plaidez-vous contre moi? Vous m'avez tous été infidèles, oracle du Seigneur. C'est en vain que j'ai frappé vos fils, ils n'en ont pas retiré d'instruction. Votre épée a dévoré vos prophètes comme un lion destructeur. Quelle race vous êtes? Considérez la parole du Seigneur. Ai-je été pour Israël un désert, un pays d'épaisses ténèbres? Pourquoi mon peuple a-t-il dit « Nous sommes libres, nous ne reviendrons pas à vous » Une vierge oublie-t-elle sa parure? Une fiancée sa ceinture? Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Que tu sais bien disposer tes voies pour chercher l'amour. Pour cela, même avec le crime, tu familiarises tes voies. Jusque sur les pans de tes vêtements, on trouve le sang des pauvres innocents. Tu ne les avais pas surpris en délit d'effraction, mais tu les as tués pour toutes ces choses. Et tu dis, « Oui, je suis innocente. Certainement sa colère s'est détournée de moi. Me voici pour te faire le procès sur ce que tu dis. Je n'ai pas péché. » Quelle hâte tu mets à changer ta voix! Tu seras rendue confuse par l'Égypte, comme tu l'as été par la Syrie. De là aussi tu reviendras, les mains sur la tête, car le Seigneur a rejeté ceux en qui tu mets ta confiance, et tu ne réussiras pas avec eux. Chapitre 3. Il est dit : Lorsqu'un homme répudie sa femme, et qu'après l'avoir quittée, elle devient la femme d'un autre, cet homme retournera-t-il encore vers elle? Cette terre ne serait-elle pas vraiment profanée? Et toi, tu t'es prostituée à de nombreux amants, et tu reviendras vers moi, oracle du Seigneur. Lève les yeux vers les hauteurs et regarde. Où n'as-tu pas été souillée? Tu t'asseyais pour eux sur les routes, pareil à l'Arabe dans le désert. Et tu as profané le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Les ondées de l'automne ont été retenues. Les pluies du printemps ont manqué. Mais tu as eu un front de courtisane. Tu n'as pas voulu rougir. Et maintenant, n'est-ce pas, tu me dis, « Mon père, ô vous, l'ami de ma jeunesse, sera-t-il toujours irrité? Gardera-t-il à jamais son courroux? Voilà ce que tu dis, et tu commets le crime, et tu le consommes. » Le Seigneur me dit au jour du roi Josias, « As-tu vu ce qu'a fait Israël, l'infidèle? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et s'y est prostituée. » Et j'ai dit, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, Juda la perfide, a vu cela. Et j'ai vu qu'à cause de tous ces adultères, j'ai répudié Israël l'infidèle, et que je lui ai donné sa lettre de divorce. Et sa sœur, Juda la perfide, n'a pas été effrayée, et elle est allée se prostituer elle aussi. Par sa bruyante impudicité, elle a profané le pays, et elle a commis l'adultère avec le bois et la pierre. Et avec tout cela, sa sœur, Juda la perfide, n'est pas revenue à moi de tout son cœur, mais avec mensonge, oracle du Seigneur. Et le Seigneur me dit, « Israël l'infidèle s'est montré juste, en comparaison de Juda la perfide. Va, écris ces paroles du côté du septentrion et dis. Reviens, infidèle Israël, oracle du Seigneur. Je ne veux pas vous montrer un visage sévère, car je suis miséricordieux, oracle du Seigneur, et je ne garde pas ma colère à toujours. Seulement reconnais ta faute, car tu as été infidèle au Seigneur, ton Dieu, et tu as prodigué tes pas vers les étrangers, sous ton arbre vert, et vous n'avez pas écouté ma voix. Oracle du Seigneur. Revenez, fils infidèle, oracle du Seigneur, car je suis votre maître, et je vous prendrai, un d'une ville et deux d'une famille, et je vous amènerai dans Sion. Et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, qui vous paîtront avec intelligence et sagesse. Et quand vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, oracle du Seigneur, alors on ne dira plus « L'arche de l'alliance du Seigneur ». Elle ne reviendra plus à la pensée, on ne s'en souviendra plus, on ne la regrettera plus, et on n'en fera plus une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône du Seigneur. Et toutes les nations s'y assembleront au nom du Seigneur dans Jérusalem, et elles ne suivront plus l'obstination de leur mauvais cœur. En ces jours-là, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël, et elles viendront ensemble du pays du Septentrion au pays que j'ai donné en héritage à vos pères. Et moi je disais, comment te placerai-je parmi mes enfants ? Et te donnerai-je un pays de délices, le plus beau joyau des nations pour héritage. Et j'ai dit, tu m'appelleras mon père, et tu ne cesseras pas de me suivre. Mais comme une femme trahit son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, oracle du Seigneur. Une clameur se fait entendre sur les lieux élevés, les pleurs des enfants d'Israël demandant grâce, car ils ont perverti leur voie, oublié le Seigneur leur Dieu. Revenez, fils infidèles, et je guérirai vos infidélités. Nous voici, nous venons à vous, car vous êtes le Seigneur, notre Dieu. Oui, c'est en vain que retentissait sur les hauteurs, sur les montagnes, le tumulte des fêtes idolâtres. Oui, c'est en le Seigneur notre Dieu qu'est le salut d'Israël. La honte des idoles a dévoré dès notre jeunesse le produit du travail de nos pères, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Couchons-nous dans notre honte et que notre opprobre nous couvre. Car c'est contre le Seigneur, notre Dieu, que nous avons péché, nous et nos pères, dès notre jeunesse et jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur, notre Dieu. Chapitre 4. Si tu veux revenir, Israël, oracle du Seigneur, reviens vers moi, et si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Et si tu jures, le Seigneur est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, les nations se diront bénies en lui et se glorifieront en lui. Car ainsi parle le Seigneur aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez vos jachères et ne semez pas dans les épines. Circoncisez-vous pour le Seigneur. Et enlevez les prépuces de votre cœur, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne consume, sans que personne éteigne, à cause de la méchanceté de vos actions. Publiez dans Juda et annoncez dans Jérusalem. Parlez, sonnez de la trompette dans le pays. Criez à pleine voix et dites « Rassemblez-vous ! Et allons dans les villes fortes. Élevez un étendard du côté de Sion. Sauvez-vous, ne vous arrêtez pas. Car j'amène du septentrion une calamité et un grand désastre. Un lion s'élance de son fourré, et un destructeur des nations a levé sa tente, quitté son lieu, pour réduire ton pays en désert. tes villes seront désolées, sans habitants. C'est pourquoi saignez-vous du cilice, pleurez et lamentez-vous, car le feu de la colère du Seigneur ne s'est pas détourné de nous. En ce jour-là, oracle du Seigneur, le cœur manquera au roi et au prince. Les prêtres seront consternés et les prophètes stupéfaits. Et je dis, ah, Seigneur l'Éternel, vous avez donc trompé ce peuple et Jérusalem en disant, vous aurez la paix, alors que l'épée va les frapper à mort. En ce temps-là, on dira à ce peuple et à Jérusalem, un vent brûlant vient des collines du désert sur le chemin qui mène à la fille de mon peuple, non pour vanner, ni pour nettoyer. Un vent plus fort que celui qui chasse la paille vient vers moi. Maintenant, à mon tour, je vais prononcer leur sentence. Voici qu'ils montent comme les nuées. Pareil à l'ouragan sont ses chars. Plus rapides que les aigles sont ses chevaux. Malheur à nous, car nous sommes perdus. Purifie ton cœur de la méchanceté, Jérusalem, pour que tu sois sauvée. Jusqu'à quand demeureront-elles dans ton cœur tes pensées funestes? Car une voix partie de Dan l'annonce. Elle publie le malheur depuis la montagne d'Éphraïm. Faites-le savoir aux nations. Annoncez-leur le malheur de Jérusalem. Des assiégeants arrivent d'une terre lointaine. Ils poussent leurs cris contre les villes de Juda. Comme les gardiens des champs, ils entourent Jérusalem, car elle s'est révoltée contre moi. Oracle du Seigneur. Voilà ce que t'ont valu ta conduite et tes actes criminels. Voilà le fruit de ta méchanceté, et il est amer. Oui, cela atteint jusqu'au cœur. Mes entrailles, je souffre au plus intime du cœur. Mon cœur s'agite, je ne puis me taire. Car tu entends, ô mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Tout d'un coup, on détruit mes tentes, en un instant, mes pavillons. Jusqu'à quand verrai-je l'étendard? Entendrai-je le son de la trompette? C'est que mon peuple est fou. Ils ne me connaissent pas. Ce sont des fils insensés, qui n'ont pas d'intelligence. Ils sont habiles à faire le mal. Ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre, et voici qu'elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes, et voici qu'elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici qu'il n'y a plus d'hommes, et tous les oiseaux du ciel ont fui. Je regarde, et voici que le verger est devenu un désert, et toutes ces villes sont détruites devant le Seigneur, devant le feu de sa colère. Car ainsi parle le Seigneur. Tout le pays sera dévasté. Cependant, je ne le détruirai pas entièrement. À cause de cela, la terre est en deuil, et les cieux en haut sont obscurcis, parce que je l'ai dit et que je l'ai résolu, et je ne m'en repens pas et je n'en reviendrai pas. À la voix du cavalier et de l'archer, toute la ville est en fuite. On entre dans les bois, on monte sur les rochers. Toutes les villes sont abandonnées, il n'y a plus d'habitants. Et toi, dévasté, que feras-tu? Quand tu te revêtirais de pourpre, que tu te parerais d'ornements d'or, que tu borderais tes yeux de phare, c'est en vain que tu te ferais belle. Tes amants te dédaignent, c'est à ta vie qu'ils en veulent. Car j'entends une voix comme d'une femme en travail, des cris d'angoisse comme d'une femme qui enfante pour la première fois, voix de la fille de Sion qui pousse des soupirs et étend les mains. Malheur à moi, car mon âme succombe au coup des meurtriers. Chapitre 5. Parcourez les rues de Jérusalem et regardez, informez-vous. Cherchez sur ces places publiques si vous y trouvez un homme, s'il en est un qui pratique la justice et qui recherche la fidélité, et je ferai grâce à la ville. Même quand ils disent « Le Seigneur est vivant », c'est pour le mensonge qu'ils jurent. Seigneur, vos yeux ne cherchent-ils pas la fidélité? Vous les avez frappés, et ils n'ont pas eu de douleur. Vous les avez exterminés, et ils n'ont pas voulu recevoir l'instruction. Ils ont endurci leur face plus que le roc. Ils ont refusé de revenir. Et moi, je disais, ce ne sont que les petits. Ils agissent en insensé, car ils ne savent pas la voie du Seigneur, la loi de leur Dieu. J'irai donc vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils savent la voie du Seigneur, la loi de leur Dieu. Mais eux aussi, ils ont tous ensemble brisé le joug, rompu les liens. C'est pourquoi le lion de la forêt les a frappés, le loup du désert les ravage. La panthère est aux aguets devant leur ville, tout homme qui en sort est déchiré, car leurs transgressions sont nombreuses et leurs révoltes se sont accrues. Pour quelle raison te ferai-je grâce? Tes fils m'ont abandonné et ils jurent par ce qui n'est pas Dieu. Je les ai rassasiés et ils ont été adultères. Ils vont par troupes dans la maison de la prostituée. Étalons bien repus, vagabonds, chacun d'eux hennit à la femme de son prochain. Et je ne les punirai pas pour ces crimes, oracle du Seigneur. Et d'une nation telle que celle-là, je ne me vengerai pas. Escaladez ces murs et détruisez, mais non pas entièrement. Enlevez ces sarments, car ils ne sont pas au Seigneur. Car elles m'ont été tout à fait infidèles, la maison d'Israël et la maison de Juda, oracle du Seigneur. Ils ont renié le Seigneur et dit, « Il n'est pas, et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée, ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent, et personne ne parle en eux, qu'il leur soit fait ainsi à eux-mêmes. » C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu des armées. Parce que vous dites cette parole-là, voici que je mets ma parole dans ta bouche comme un feu, et ce peuple sera comme du bois, et ce feu les dévorera. Me voici qui amène sur vous une nation qui vient de loin, maison d'Israël. Oracle du Seigneur. C'est une nation forte. C'est une nation antique, une nation dont tu ne connais pas la langue et tu n'entends pas ce qu'elle dit. Son carquois est un sépulcre ouvert. Ils sont tous des héros. Elle dévorera ta moisson et ton pain. Elle dévorera tes fils et tes filles. Elle dévorera tes brebis et tes bœufs. Elle dévorera ta vigne et ton figuier. Elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. Mais même en ces jours-là, oracle du Seigneur, je ne vous détruirai pas entièrement. Et quand vous direz, pour quelle raison le Seigneur, notre Dieu, nous a-t-il fait toutes ces choses? Tu leur diras, comme vous m'avez abandonné pour servir dans votre pays un Dieu étranger, ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas à vous. Annoncez ceci dans la maison de Jacob, et publiez-le dans Juda en ces termes. Écoutez donc ceci, peuple insensé et sans cœur. Ils ont des yeux et ne voient point, des oreilles et ils n'entendent point. Ne me craindrez-vous pas, oracle du Seigneur? Ne tremblerez-vous pas devant moi, moi qui ai mis le sable pour limite à la mer, borne éternelle, qu'elle ne franchira pas. Ses flots s'agitent, et ils sont impuissants. Ils mugissent, et ils ne la dépassent pas. Mais ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se retirent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, « Craignons le Seigneur, notre Dieu, lui qui donne la pluie, celle de la première saison et celle de l'arrière-saison en son temps, et qui nous garde les semaines destinées à la moisson. » Vos iniquités ont dérangé cet ordre. Vos péchés vous privent de ces biens. Car il se trouve des pervers dans mon peuple. Ils épient comme l'oiseleur qui se baisse. Ils dressent des pièges et prennent des hommes. Comme une cage est pleine d'oiseaux, ainsi leurs maisons sont pleines de fraudes. Aussi deviennent-ils puissants et riches. Ils s'engraissent, ils reluisent. Ils dépassent même la mesure du mal. Ils ne font pas justice, justice à l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux malheureux. Et je ne punirai pas ces crimes, oracle du Seigneur. Et d'une nation telle que celle-là, je ne me vengerai pas. Des choses abominables, horribles, se font dans le pays. Les prophètes prophétisent en mentant. Les prêtres gouvernent d'accord avec eux. Et mon peuple l'aime ainsi. Et que ferez-vous au terme de tout cela ? Chapitre 6. Fuyez, enfants de Benjamin, du milieu de Jérusalem. Sonnez de la trompette à Tekua, et élevez des signaux à Bétacarem, car un malheur s'avance du septentrion, et un grand désastre. La belle et la voluptueuse, je la détruis, la fille de Sion. Vers elle viennent des bergers avec leurs troupeaux. Ils planteront leurs tentes autour d'elle. Chacun pâturera son quartier. Inaugurez le combat contre elle. Levez-vous, montons à l'assaut en plein midi. Malheur à nous, car le jour baisse, les ombres du soir s'allongent. Levez-vous, escaladons de nuit et détruisons son palais. Car ainsi parle le Seigneur des armées. Abattez ces arbres, élevez des terrasses contre Jérusalem. C'est la ville à punir. Il n'y a dans son sein qu'injustice. Comme un puits fait sourdre ses eaux, ainsi fait-elle sourdre sa méchanceté. On n'y entend que violence et que ruine. Plaies et blessures y sont constamment devant ma face. Amende-toi, Jérusalem, de peur que mon âme ne se détache de toi, que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Ainsi parle le Seigneur des armées. On grappillera comme une vigne les restes d'Israël. Mets et remets la main, comme fait le vendangeur au sarment. À qui parler? Qui adjurer pour qu'ils m'entendent? Voici que leurs oreilles sont incirconcises, et ils sont incapables de faire attention. Voici que la parole du Seigneur est devenue pour eux un opprobre, et ils n'y prennent aucun plaisir. Mais je suis rempli de la colère du Seigneur. Je suis las de la contenir. Verse-la sur l'enfant dans la rue et sur la réunion des jeunes gens. Car le mari et la femme, tous seront pris, ainsi que le vieillard et l'homme chargé de jour. Leurs maisons passeront à d'autres, leurs champs et leurs femmes également, car j'étendrai ma main sur les habitants du pays, oracle du Seigneur. Car du plus petit au plus grand, tous se livrent à la rapine, et du prophète au prêtre, tous pratiquent le mensonge. Ils traitent à la légère la plaie de la fille de mon peuple, en disant « Paix, paix », alors qu'il n'y a point de paix. Ils seront confondus, car ils ont commis des abominations, mais ils ne savent même plus rougir, et ils ne connaissent plus la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, Ils s'affaisseront au jour où je les visiterai, dit le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Tenez-vous sur les routes et voyez. Informez-vous des sentiers d'autrefois. Quelle est la voie du salut? Et suivez-la, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais ils ont répondu, nous n'y marcherons pas. J'ai placé près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils ont répondu, nous n'y ferons pas attention. Aussi, écoutez, nations. Sache, assemblée des peuples, ce qui leur arrivera. Terre, écoute. Voici que je fais venir un malheur contre ce peuple, le fruit de ses pensées. Car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles, et ils ont rejeté ma loi. Que me fait l'encens venu de Saba, et le roseau précieux d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent point, vos sacrifices ne me sont point agréables. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Voici que je mets devant ce peuple des pierres d'achoppement. Les pères et les fils s'y heurteront ensemble. L'habitant et son voisin périront. Ainsi parle le Seigneur. Voici qu'un peuple arrive du pays du Septentrion, qu'une grande nation se lève des extrémités de la terre. Ils manient l'arc et le javelot. Ils sont cruels et sans pitié. Leur voix gronde comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme. Contre toi, fille de Sion. À la nouvelle de leur approche, nos mains ont défailli. L'angoisse nous a saisis. Les douleurs d'une femme qui enfante. Ne sortez point aux champs, n'allez pas sur les chemins, car l'ennemi tient l'épée et l'épouvante règne à l'entour. Fille de mon peuple, saint le cilice, roule-toi dans la cendre. Prends le deuil comme pour un fils unique, fais des lamentations amères, car soudain le dévastateur arrive sur nous. Je t'ai établi dans mon peuple comme un essayeur, une forteresse, pour que tu connaisses et éprouves leur voix. Ils sont tous des rebelles entre les rebelles, ils sèment la calomnie. C'est du cuivre et du fer, tous sont corrompus. Le soufflet est devenu la proie du feu. Le plomb est épuisé. En vain l'on épure, l'on épure. Les méchants ne se détachent pas. Argent de rebut, dira-t-on, car le Seigneur les a mis au rebut. Chapitre 7. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur en ces termes. Tiens-toi à la porte de la maison du Seigneur, et là, prononce cette parole, et dis. Écoutez la parole du Seigneur, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ses portes pour adorer le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Améliorez vos voies et vos œuvres, et je vous ferai habiter dans ce lieu. Ne vous fiez pas aux paroles de mensonges de ceux qui disent « C'est ici le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, le temple du Seigneur. » Mais si vous améliorez vos voies et vos œuvres, si vous rendez fidèlement la justice entre un homme et son prochain, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas près d'autres dieux, pour votre malheur, alors je vous ferai habiter dans ce lieu, au pays que j'ai donné à vos pères, depuis les temps anciens et pour jamais. Mais voici que vous vous fiez à des paroles de mensonges, qui ne vous servent de rien. Quoi ? Voler, tuer, commettre l'adultère, jurer faussement, encenser Baal et aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Et vous venez, Vous vous présentez devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites « Nous échapperons ». Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-ce donc à vos yeux une caverne de brigands que cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Moi aussi, je l'ai vue. Oracle du Seigneur. Allez donc à ma demeure qui était à Silo, où j'avais fait autrefois habiter mon nom, et voyez comment je l'ai traité, à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez fait toutes ces actions, oracle du Seigneur, et que je vous ai parlé, vous parlant dès le matin, et vous n'avez pas écouté, et que je vous ai appelé, et vous n'avez pas répondu, je ferai de cette maison, sur laquelle mon nom a été invoqué, dans laquelle vous mettez votre confiance, et de ce lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, ce que j'ai fait de Silo, et je vous rejetterai de devant moi, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la race d'Éphraïm. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour lui ni plainte ni prière, et n'insiste pas auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les fils ramassent du bois, les pères allument le feu. Les femmes pétrissent de la pâte pour faire des gâteaux à la reine du ciel et répandre des libations à d'autres dieux afin de m'offenser. Est-ce moi qu'ils offensent, oracle du Seigneur? N'est-ce pas eux-mêmes à la honte de leur visage? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici que ma colère et ma fureur vont se répandre sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur l'arbre des champs et sur le fruit du sol. Elle brûlera et ne s'étendra point. Ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair, car je n'ai pas parlé à vos pères ni ne leur ai rien prescrit, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte en matière d'holocauste et de sacrifice. Mais quant au commandement que je leur ai donné, je leur ai dit « Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescrirai, afin que vous soyez heureux. » Mais ils n'ont point écouté, et ils n'ont point prêté l'oreille, et ils ont marché selon leurs conseils, selon l'endurcissement de leur mauvais cœur. Ils sont allés en arrière, et non en avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis de la terre d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes, les envoyant chaque jour dès le matin. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou, ils ont fait pis que leur père. Tu leur diras toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras, ils ne te répondront pas. Alors tu leur diras, c'est la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur, son Dieu, et qui n'a pas accepté l'instruction. La fidélité a péri, elle a disparu de sa bouche. Rase ta chevelure et jette-la, et entonne sur les hauteurs un chant de deuil, car le Seigneur a pris en dédain et rejeté la race objet de sa colère. Car les fils de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, oracle du Seigneur. Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom a été invoqué, afin de la souiller. Et ils ont construit les hauts lieux de Tophet, dans la vallée du fils de Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais point commandé, et ce qui ne m'était pas venu à la pensée. C'est pourquoi voici que des jours viennent, oracle du Seigneur, où l'on ne dira plus Tophet, ni vallée du fils de Hinnom, mais vallée du massacre, et où l'on enterrera à Tophet, faute de place. Et les cadavres de ce peuple seront la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, sans qu'il y ait personne pour les chasser. Et je ferai cesser, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, le chant de l'époux et le chant de l'épouse, car le pays sera devenu un désert. Chapitre 8. En ce temps-là, oracle du Seigneur, on tirera de leur sépulcre les os des rois de Juda, et les os de ses princes, et les os des prêtres, et les os des prophètes, et les os des habitants de Jérusalem. On les étendra devant le soleil et devant la lune, et devant toute l'armée des cieux, qu'ils ont aimés et qu'ils ont servis, après lesquels ils ont marché, qu'ils ont consulté et qu'ils ont adoré. Ces os ne seront ni recueillis, ni enterrés. Ils deviendront un engrais sur la face de la terre. Et la mort sera préférée à la vie par tous ceux qui resteront de cette méchante race, dans tous les lieux où je les aurai chassés. Oracle du Seigneur des armées. Dis-leur. Ainsi parle le Seigneur. Est-ce qu'on tombe sans se relever? Est-ce qu'on s'égare sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'égare-t-il d'un égarement continuel? Ils s'attachent avec force au mensonge. Ils refusent de revenir. J'ai fait attention et j'ai écouté. Ils ne parlent pas comme il faut. Nul ne se repent de sa méchanceté en disant « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance dans la bataille. Même la cigogne dans les airs connaît sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur retour. Mais mon peuple ne connaît pas la loi du Seigneur. Comment pouvez-vous dire? Nous sommes sages, et la loi du Seigneur est avec nous. Voici que le style mensonger des scribes en a fait un mensonge. Les sages sont confondus, consternés et pris. Voici qu'ils ont rejeté la parole du Seigneur. Et quelle sagesse ont-ils? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à d'autres possesseurs. Car du plus petit au plus grand, tous se livrent à la rapine. Et du prophète au prêtre, tous pratiquent le mensonge. Ils traitent à la légère la plaie de la fille de mon peuple en disant « Paix, paix ! » Et il n'y a point de paix. Ils seront confondus, car ils ont commis des abominations. Mais ils ne savent même plus rougir, et ils ne connaissent plus la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils s'affaisseront au jour où je les visiterai, dit le Seigneur. Je vais les ramasser, les emporter, oracle du Seigneur. Plus de raisins à la vigne, ni de figues au figuier, et la feuille même est flétrie. Et je leur ai donné des gens qui envahiront leur pays. Pourquoi restons-nous assis? Rassemblez-vous, et allons dans les villes fortes, et nous y périrons. Puisque le Seigneur notre Dieu nous fait périr et nous fait boire des eaux empoisonnées, parce que nous avons péché contre le Seigneur. Nous attendions la paix, et il n'y a rien de bon. Le temps de la guérison, et voici la terreur. On entend depuis Dan le ronflement de ses chevaux. Au bruit du hennissement de ses coursiers, toute la terre tremble. Ils arrivent, ils dévorent le pays et ce qu'il renferme, la ville et ses habitants. Car voici que j'envoie contre vous des serpents, des aspics, contre lesquels il n'y a pas d'enchantement. Ils vous mordront. Oracle du Seigneur. Ô ma consolation dans ma douleur! Mon cœur languit au-dedans de moi. Voici que le cri de détresse de la fille de mon peuple m'arrive d'une terre lointaine. Le Seigneur n'est-il plus en Sion? Son roi n'est-il plus au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs idoles, par les vanités de l'étranger? La moisson est passée, la récolte est finie, et nous ne sommes pas délivrés. Je suis meurtri de la meurtrissure de la fille de mon peuple. Je suis dans le deuil. L'épouvante m'a saisi. N'y a-t-il plus de baume de Galaad? Ne s'y trouve-t-il plus de médecin? Pourquoi donc n'a-t-on pas mis un bandage à la fille de mon peuple? Qui changera ma tête en eau et mes yeux en source de larmes, pour que je pleure nuit et jour les morts de la fille de mon peuple? Chapitre 9. Qui me donnera au désert un abri de voyageurs? J'abandonnerai mon peuple, je me retirerai d'avec eux. Car ils sont tous des adultères, une assemblée d'infidèles. Ils bandent leur langue comme leur arc, pour décocher le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de péché en péché, et ils ne me connaissent pas. Oracle du Seigneur. Gardez-vous chacun de votre ami, et ne vous fiez à aucun frère, car tout frère ne fait que supplanter, et tout ami s'en va, répandant la calomnie. Ils se dupent l'un l'autre, ils ne disent pas la vérité, ils exercent leur langue à mentir, ils s'étudient à faire le mal. Tu habites au milieu de la mauvaise foi. C'est par mauvaise foi qu'ils refusent de me connaître. Oracle du Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur des armées. Je vais les fondre au creuset et les éprouver. Car que faire autre chose avec la fille de mon peuple? C'est un dard meurtrier que leur langue. Elles ne profèrent que mensonges. De la bouche on dit « paix » à son prochain, et dans le cœur on lui dresse des embûches. Et je ne les punirai pas pour tous ces crimes, oracle du Seigneur. Et d'une nation telle que celle-là, je ne me vengerai pas? Sur les montagnes je ferai entendre une plainte et une lamentation. Sur les pâturages du désert, un chant de deuil. Car ils sont brûlés au point que personne n'y passe. On n'y entend plus la voix des troupeaux. Depuis l'oiseau du ciel jusqu'au bétail, tous ont fui, ont disparu. Et je ferai de Jérusalem des tas de pierres, un repaire de chacals. Et je ferai des villes de Juda une solitude où personne n'habite. Quel est l'homme sage qui comprendra ces choses? Celui à qui la bouche du Seigneur a parlé, pour qu'il les annonce. Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme le désert où personne ne passe? Et le Seigneur dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi, que j'avais mise devant eux, qu'ils n'ont pas écouté ma voix et ne l'ont pas suivie. Mais ils ont marché selon l'obstination de leur cœur, et après les Baals, que leurs pères leur ont enseignés. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Voici que je vais les nourrir d'absinthe, ce peuple, et je leur donnerai à boire des eaux empoisonnées. Je les disperserai parmi des nations que n'ont connues ni eux, ni leurs pères, et j'enverrai contre eux le glaive, jusqu'à ce que je les ai exterminés. Ainsi parle le Seigneur des armées. Pensez à commander les pleureuses, et qu'elles viennent. Envoyez vers les plus habiles, et qu'elles viennent. Qu'elles se hâtent, qu'elles entonnent sur nous des lamentations. Que les larmes coulent de nos yeux, et que de nos paupières les pleurs ruissellent. Car un bruit de lamentation a été entendu dans Sion. Comment sommes-nous dévastés, couverts de honte, au point d'abandonner le pays, parce qu'on a jeté bas nos demeures? Femmes, écoutez donc la parole du Seigneur, et que votre oreille reçoive la parole de sa bouche. Enseignez à vos filles une lamentation, et chacune à vos compagnes un chant de deuil. Car la mort est montée par nos fenêtres, et elle est entrée dans nos palais. pour faire disparaître l'enfant de la rue et les jeunes gens des places publiques. Parle. Ainsi, oracle du Seigneur. Le cadavre de l'homme tombera, comme du fumier sur un champ, et comme la javelle derrière le moissonneur, sans que personne la ramasse. Ainsi parle le Seigneur. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui se glorifie en ceci, d'avoir de l'intelligence et de me connaître, car je suis le Seigneur qui exerce la miséricorde, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. Oracle du Seigneur. Voici que des jours viennent, oracle du Seigneur, où je châtierai tout circoncis avec l'incirconcis. L'Égypte, Juda, Édom, les fils d'Ammon, Moab, et tous ceux qui se rasent les tempes, qui habitent le désert. Car toutes les nations sont incirconcises, et toute la maison d'Israël est incirconcise de cœur. Chapitre 10. Écoutez la parole que le Seigneur vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur. N'apprenez pas la voix des nations, et ne soyez pas effrayés par les signes du ciel, comme les nations s'en effraient. Car les coutumes des nations ne sont que vanité. C'est du bois qu'on coupe dans la forêt, un ouvrage de la main du sculpteur, façonné avec le ciseau, que l'on décore avec l'argent et l'or. On le fixe avec des clous à coups de marteau, pour qu'il ne bouge pas. Ces dieux-là sont comme une colonne faite autour, car on les porte, ils ne marchent pas. Ne les craignez point, ils ne font pas de mal, ils ne peuvent pas davantage faire du bien. Nul n'est semblable à vous, Seigneur. Vous êtes grand, et votre nom est grand en puissance. Qui ne vous craindrait, roi des nations? C'est à vous que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est pareil à vous. Tous ensemble, ils sont stupides et fous. Enseignement de vanité. C'est du bois. Argent battu amené de Tarsis et or d'Ophaz. Œuvre de sculpture et de main d'orfèvre. On les revêt de pourpre violette et rouge. Tous ne sont qu'ouvrage d'artistes. Mais le Seigneur est Dieu en vérité. Lui, il est un Dieu vivant et un roi éternel. À sa colère la terre tremble, et les nations ne soutiennent pas son courroux. Voici comment vous leur parlerez. Les dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre seront exterminés de la terre et de dessous le ciel. Il a fait la terre par sa force, affermi le monde par sa sagesse. Et par son intelligence, il a étendu les cieux. À sa voix, les eaux s'amassent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il fait briller les éclairs d'où jaillit l'averse et fait sortir le vent de ses réservoirs. Tout homme est stupide, hors de sens. Tout artisan a honte de son idole. Car son image fondue n'est que mensonge. Il n'y a point de souffle en elle. Elle est une vanité, une œuvre de tromperie. Au jour de leur châtiment, elle périra. Telle n'est point la part de Jacob, car lui, il a formé l'univers, et Israël est la tribu de son héritage. Son nom est le Seigneur des armées. Ramasse à terre ton bagage, toi qui es assiégé. Car ainsi parle le Seigneur. Voici que cette fois, je vais lancer au loin les habitants du pays. Je les serrerai de près, afin que l'ennemi les atteigne. Malheur à moi à cause de ma meurtrissure. Ma plaie est douloureuse. Mais je le dis, oui, c'est là mon mal, et je le supporterai. Ma tente est dévastée, tous mes cordages sont rompus. Mes fils m'ont quitté, Ils ne sont plus. Je n'ai plus personne pour redresser ma tente, relever mes pavillons. Ah ! Les pasteurs sont stupides. Ils n'ont pas cherché le Seigneur. Aussi n'ont-ils pas prospéré, et tout leur troupeau a été dispersé. Un bruit, une rumeur. Voici qu'elle vient. Un grand tumulte arrive du pays du Septentrion, pour faire des villes de Juda un désert, un repaire de chacals. Je le sais, ô Seigneur, ce n'est pas à l'homme qu'appartient sa voix. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Châtiez-moi, Seigneur, mais selon la justice, et non dans votre colère, pour me réduire à néant. Versez votre fureur sur les nations qui ne vous connaissent pas, sur les peuples qui n'invoquent pas votre nom. Car ils ont dévoré Jacob, ils l'ont dévoré, ils l'achèvent, et ils dévastent sa demeure. Chapitre 11. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur en ces termes. Entendez les paroles de cette alliance, et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères, au jour où je les ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la fournaise à fer, en leur disant, écoutez ma voix et faites ces choses, selon tout ce que je vous commanderai, et vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu, afin que j'accomplisse le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays où coule le lait et le miel, comme cela se voit aujourd'hui. Et je répondis, oui, Seigneur. Et le Seigneur me dit, crie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, en disant, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Car j'ai instamment averti vos pères, depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Je les ai sans cesse avertis, en disant, écoutez ma voix. Et ils n'ont ni écouté, ni prêté l'oreille. Chacun d'eux a marché selon l'opiniâtreté de son mauvais cœur. Et j'ai exécuté sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais prescrit d'observer et qu'ils n'ont pas observées. Le Seigneur me dit, il s'est trouvé une conjuration chez les hommes de Juda et chez les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux iniquités de leurs premiers pères qui ont refusé d'écouter mes paroles. Et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais conclue avec leur père. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Voici que je vais amener sur eux des malheurs, dont ils ne pourront sortir. Et, s'ils crient vers moi, je ne les écouterai pas. Et les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens. Mais ces dieux ne les sauveront sûrement pas, au temps de leur malheur. Car aussi nombreux que tes villes sont tes dieux, ô Juda, et aussi nombreux que les rues de Jérusalem sont les autels que vous avez dressés à une infâme idole, les autels que vous avez dressés pour encenser Baal. Et toi, n'intercède pas pour ce peuple, et n'élève point en leur faveur de supplications ni de prières, car je n'écouterai point lorsqu'ils m'invoqueront, au temps de leur malheur. Qu'est-ce que ma bien-aimée a à faire dans ma maison? Des fourberies? Est-ce que les vœux et la chair sacrée enlèveront de dessus toi tes malheurs, que tu puisses te livrer à l'allégresse? Olivier verdoyant, orné de beaux fruits. C'est le nom que t'avait donné le Seigneur. Au bruit d'un grand fracas, il y met le feu, et ses rameaux sont brisés. Le Seigneur des armées, qui t'avait planté, a décrété le malheur contre toi, à cause du crime de la maison d'Israël et de la maison de Juda, qu'ils ont commis pour mériter en encensant Baal. Le Seigneur m'en a informé, et je l'ai su. Alors vous m'avez fait connaître leurs œuvres. Moi, j'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et je ne savais qu'ils formaient des desseins contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais le Seigneur des armées juge avec justice. Il sonde les reins et les cœurs. Je verrai la vengeance que vous tirerez d'eux, car c'est à vous que j'ai confié ma cause. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur au sujet des hommes d'Anatot qui en veulent à ta vie et qui disent « Ne prophétise pas au nom du Seigneur, si tu ne veux mourir de notre main. » C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur des armées. Je vais les punir. Les jeunes hommes mourront par l'épée. Leurs fils et leurs filles mourront de faim. Aucun d'eux n'échappera, car j'amènerai le malheur sur les hommes d'Anatot l'année où je les visiterai. Chapitre 12. Vous êtes trop juste, ô Seigneur, pour que je dispute contre vous. Je veux seulement parler justice avec vous. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Vous les plantez, et ils prennent racine. Ils croissent, et ils portent du fruit. Vous êtes près de leur bouche, et loin de leur cœur. Et vous, Seigneur, vous me connaissez, vous me voyez, et vous sondez ce que mon cœur est pour vous. Enlevez-les comme des brebis pour la boucherie. Vouez-les pour le jour du massacre. Jusque à quand le pays sera-t-il en deuil, et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté de ceux qui y habitent, bétail et oiseaux périssent, car ils disent « Il ne verra pas notre fin ». Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment lutteras-tu avec des cavaliers? S'il te faut une terre de paix pour avoir confiance, que feras-tu contre les lions du Jourdain? Car tes frères mêmes et la maison de ton père, eux-mêmes te trahissent, eux-mêmes crient derrière toi à pleine voix. Ne te fie pas à eux quand ils te disent de bonnes paroles. J'ai quitté ma maison, j'ai délaissé mon héritage, j'ai livré l'objet de mon amour aux mains de mes ennemis. Mon héritage est devenu pour moi comme un lion dans la forêt. Il a élevé contre moi la voix. Aussi l'ai-je pris en haine. Mon héritage est-il un vautour bigarré, contre lequel les vautours fondent de tous côtés? Venez, rassemblez toutes les bêtes des champs. Amenez-les à la curée. De nombreux bergers ont détruit ma vigne, foulé aux pieds mon domaine. Ils ont changé le lot qui m'était cher en désert, en dévastation. On en a fait une ruine. Dévasté, il est en deuil devant moi. Tout le pays est saccagé, car personne ne l'a pris à cœur. Sur toutes les collines du désert arrivent les dévastateurs, car le Seigneur a un glaive qui dévore d'un bout à l'autre du pays. Il n'y a point de salut pour toute chair. Ils ont semé du froment, ils moissonnent des épines. Ils ont dépensé leurs forces, mais sans profit. Ayez honte de ce que vous récoltez. C'est l'effet de l'ardente colère du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur sur tous mes méchants voisins qui s'attaquent à l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Israël. Voici que je vais les arracher à leur sol, et j'arracherai du milieu d'eux la maison de Juda. Mais, après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux, et je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Et s'ils apprennent les voies de mon peuple, en jurant par mon nom, « Le Seigneur est vivant », comme ils ont appris à mon peuple à jurer par Baal, ils seront établis au milieu de mon peuple. Mais s'ils n'écoutent pas, j'arracherai cette nation. Je l'arracherai et la détruirai. Oracle du Seigneur. Chapitre 13. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Va t'acheter une ceinture de lin et pose-la sur tes reins, mais ne la mets pas dans l'eau. Et je m'achetai la ceinture, selon la parole du Seigneur, et je la mis sur mes reins. La parole du Seigneur me fut adressée une seconde fois en ces termes. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins. Lève-toi, va vers l'Euphrate, et là tu la cacheras dans une fente de rocher. J'allais et je la cachai près de l'Euphrate, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Et, au bout d'un grand nombre de jours, le Seigneur me dit : Lève-toi, va vers l'Euphrate, et là reprends la ceinture que je t'ai commandé d'y cacher. J'allais vers l'Euphrate, je creusais et je repris la ceinture au lieu où je l'avais cachée. Et voilà que la ceinture était perdue, elle n'était plus bonne à rien. Et la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Ainsi parle le Seigneur. C'est ainsi que je perdrai l'orgueil de Juda et le grand orgueil de Jérusalem. Ce peuple mauvais qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit l'opiniâtreté de son cœur, et qui va après d'autres dieux pour les servir et les adorer. Il sera comme cette ceinture, qui n'est plus bonne à rien. Car, comme la ceinture est attachée aux reins de l'homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, oracle du Seigneur, afin qu'elles fussent pour moi un peuple, un nom, un honneur et une gloire. Mais ils n'ont pas écouté. Et tu leur diras cette parole. Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Toute cruche doit être remplie de vin. Ils te répondront. Ne savons-nous pas que toute cruche doit être remplie de vin? Et tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur. Je vais remplir tous les habitants de ce pays. Et les rois qui sont assis sur le trône de David, les prêtres et les prophètes, et tous les habitants de Jérusalem, d'ivresse. Et je les briserai les uns contre les autres, les pères et les fils ensemble, oracle du Seigneur. Je n'épargnerai pas, je n'aurai pas de compassion, je n'aurai pas de pitié pour ne pas les détruire. Écoutez, prêtez l'oreille, ne soyez point orgueilleux. Car le Seigneur a parlé. Rendez gloire au Seigneur, votre Dieu, avant que viennent les ténèbres, que vos pieds se heurtent aux montagnes de la nuit, qu'il change en nombre de morts la lumière que vous attendez, et qu'il en fasse une obscurité profonde. Si vous n'écoutez pas cela, mon âme pleurera en secret, à cause de votre orgueil. Mes yeux pleureront amèrement, se fondront en larmes, car le troupeau de Jacob sera emmené captif. Dis au roi et à la reine, asseyez-vous à terre, car elle tombe de votre tête, votre couronne de gloire. Les villes du Midi sont fermées, et personne ne les ouvre. Juda tout entier est déporté, la déportation est complète. Lève les yeux et vois ceux qui viennent du septentrion. Où est le troupeau qui t'avait été donné, les brebis qui faisaient ta gloire? Que diras-tu quand le Seigneur te donnera pour maître ceux que tu as instruits contre toi, tes familiers? Les douleurs ne te saisiront-elles pas comme une femme qui enfante? Et si tu dis dans ton cœur, pourquoi ces malheurs m'arrivent-ils? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, que les pans de ta robe ont été relevés, que tes talons ont été meurtris. Un Éthiopien changera-t-il sa peau? Un léopard ses taches? Et vous, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes appris à mal faire? Je les disperserai comme la paille qui passe au souffle du vent du désert. Tel est ton sort, la part que je te mesure, oracle du Seigneur. Parce que tu m'as oublié, que tu as mis ta confiance dans le mensonge. et moi aussi, je relèverai les pans de ta robe sur ton visage, et l'on verra ta honte. Tes adultères, tes hennissements, tes criminelles prostitutions. Sur les collines en pleine campagne, toutes tes abominations, je les ai vues. Malheur à toi, Jérusalem, tu es impur jusqu'à quand encore? Chapitre 14. Parole du Seigneur qui fut adressée à Jérémie à l'occasion de la sécheresse. Juda est dans le deuil, ses portes languissent, elles gisent désolées sur la terre, et le cri de Jérusalem s'élève. Les grands envoient les petits chercher de l'eau. Ceux-ci vont aux citernes, ils ne trouvent pas d'eau. Ils reviennent avec leurs vases vides. Ils sont confus et honteux, ils se couvrent la tête. À cause du sol crevassé, parce qu'il n'y a pas eu de pluie sur la terre, les laboureurs sont confondus, ils se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne met bas et abandonne ses petits, parce qu'il n'y a pas d'herbe. Les onagres se tiennent sur les hauteurs, aspirant l'air comme des chacals. Leurs yeux s'éteignent, parce qu'il n'y a pas de verdure. Si nos iniquités témoignent contre nous, Seigneur, agis pour l'honneur de ton nom, car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. Ô toi, l'espérance d'Israël, son libérateur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui y dresse sa tente pour la nuit? Pourquoi serais-tu comme un homme éperdu, comme un héros impuissant à délivrer? Pourtant tu habites au milieu de nous, Seigneur. Ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. Ainsi parle le Seigneur au sujet de ce peuple. Oui, ils aiment à courir ça et là, et ils ne savent pas retenir leurs pieds. Le Seigneur ne trouve plus de plaisir en eux. Il va maintenant se souvenir de leur iniquité et châtier leurs péchés. Et le Seigneur me dit, « N'intercède pas en faveur de ce peuple. Quand ils jeûneront, je n'écouterai pas leurs supplications. Quand ils m'offriront des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. Car par l'épée, la famine et la peste, je veux les détruire. » Et je répondis, « Ah, Seigneur l'Éternel, voici que les prophètes leur disent, « Vous ne verrez point d'épée, et vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai une paix assurée dans ce lieu-ci. » Et le Seigneur me dit, c'est le mensonge que les prophètes prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et je ne leur ai point parlé. Vision mensongère, vaine divination, imposture de leur propre cœur, voilà ce qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Au sujet des prophètes qui prophétisent en mon nom sans que je les ai envoyés, et qui disent « D'épée et de famine, il n'y aura pas dans ce pays. Ils périront par l'épée et par la famine, ces prophètes-là. Et les gens auxquels ils prophétisent seront jetés dans les rues de Jérusalem, victimes de la famine et de l'épée. Et il n'y aura personne pour les ensevelir, eux, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, et je verserai sur eux leur méchanceté. » Et tu leur diras cette parole. Mes yeux se fondront en larmes, la nuit et le jour, sans arrêt. Car la Vierge, fille de mon peuple, va être frappée d'un grand désastre, d'une plaie très douloureuse. Si je vais dans les champs, voici des hommes que le glaive a percés. Si j'entre dans la ville, voilà les douleurs de la faim. Le prophète lui-même et le prêtre sont errants, vers un pays qu'ils ne connaissaient pas. As-tu donc entièrement rejeté Juda? Ton âme a-t-elle pris Sion en dégoût? Pourquoi nous frappes-tu sans qu'il y ait pour nous de guérison? Nous attendions la paix, et il ne vient rien de bon. le temps de la guérison, et voici l'épouvante. Nous reconnaissons, ô Seigneur, notre méchanceté, l'iniquité de nos pères, car nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, ne dédaigne pas, ne profane pas le trône de ta gloire. Souviens-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. Parmi les vaines idoles des nations, en est-il qui fasse pleuvoir? Est-ce le ciel qui donnera les ondées? N'est-ce pas toi, Seigneur, notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui fais toutes ces choses. Chapitre 15. Le Seigneur me répondit. Quand Moïse et Samuel se tiendraient devant moi, mon âme ne se tournerait pas vers ce peuple. Chasse-les de devant ma face et qu'ils partent. Et s'ils te disent, où irons-nous? Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur. Celui qui est pour la mort, à la mort. Celui qui est pour l'épée, à l'épée. Celui qui est pour la famine, à la famine. Et celui qui est pour la captivité, à la captivité. Et je susciterai contre eux 4 familles de fléaux, oracle du Seigneur. L'épée pour tuer, les chiens pour déchirer, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et pour détruire. J'en ferai un objet d'horreur pour tous les royaumes de la terre, à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, pour ce qu'il a fait dans Jérusalem. Qui donc aura pitié de toi, Jérusalem? Qui se lamentera sur toi? Qui se détournera de sa route pour s'informer de ton état? Tu m'as repoussé, oracle du Seigneur, pour te retirer en arrière, et je vais étendre ma main sur toi pour te faire périr. Je suis là d'avoir pitié. Je les vannerai avec le vent aux portes du pays. Je priverai d'enfants. Je ferai périr mon peuple. Ils ne reviennent pas de leur voie. Ces veuves sont plus nombreuses que le sable de la mer. Je leur amènerai, sur la mer du jeune guerrier, le dévastateur en plein midi. Je ferai fondre soudain sur elles l'angoisse et l'épouvante. La mère des 7 fils se sent défaillir. Elle va rendre l'âme. Son soleil se couche pendant qu'il est jour encore. Elle est confuse, couverte de honte. Ceux qui resteront, je les livrerai à l'épée devant leurs ennemis. Oracle du Seigneur. Malheur à moi, ô ma mère, parce que tu m'as enfanté, pour être un homme de dispute et de querelle pour tout le pays. Je n'ai rien prêté, et ils ne m'ont rien prêté, et tous me maudissent. Le Seigneur dit, « Oui, je t'affermirai pour ton bien. Certainement j'amènerai ton ennemi à te supplier, au temps du malheur et de la détresse. Le fer brisera-t-il le fer du nord et l'airain? Je livrerai tes biens et tes trésors au pillage, sans paiement, pour tous tes péchés et sur tout ton territoire. Et je les ferai passer avec tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas. Car un feu s'est allumé dans ma colère. Il brûlera sur vous. Tu le sais, Seigneur. Souviens-toi de moi, prends soin de moi, et venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas. Dans ta patience envers eux, sache que c'est pour toi que je porte l'opprobre. Dès que tes paroles se sont présentées, je les ai dévorées. Elles sont devenues ma joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom a été invoqué sur moi, Seigneur, Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des rieurs, pour m'y livrer à la gaieté. Sous ta main, je me suis assis solitaire, car tu m'avais rempli de courroux. Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin, et ma plaie douloureuse, rebelle à la guérison? Serais-tu pour moi comme un ruisseau trompeur, comme des eaux sur lesquelles on ne peut compter? C'est pourquoi le Seigneur parle ainsi. Si tu reviens vers moi, je te ferai revenir, pour que tu te tiennes devant ma face. Et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ils reviendront vers toi, et ce n'est pas toi qui reviendras vers eux. Je ferai de toi, pour ce peuple, une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront rien sur toi, car je serai avec toi pour te secourir et te délivrer. Oracle du Seigneur. Je te délivrerai de la main des méchants, et je te rachèterai de la main des violents. Chapitre 16. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Tu ne prendras point de femme, et tu n'auras point de fils ni de fille en ce lieu. Car ainsi parle le Seigneur, touchant les fils et les filles qui naissent en ce lieu, et touchant les mères qui les enfantent, et touchant les pères qui les engendrent, en ce pays. Ils mourront de maladies mortelles. On ne leur donnera ni larmes, ni sépulture. Ils seront comme du fumier sur le sol. Ils périront par l'épée et la famine, et leurs cadavres seront la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Car ainsi parle le Seigneur. N'entre pas dans la maison de deuil. Ne va point pleurer et te lamenter avec eux. Car j'ai retiré ma paix à ce peuple. Oracle du Seigneur. Ma grâce et ma compassion. Grands et petits mourront dans ce pays. Il n'y aura pour eux ni sépulture, ni larmes. On ne se fera point d'incision. On ne se rasera point pour eux. On ne leur rompra point le pain du deuil pour les consoler au sujet d'un mort. Et on ne leur fera pas boire la coupe de consolation pour un père et pour une mère. Ne va pas dans la maison du festin pour t'asseoir avec eux, pour manger et pour boire. Car ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël. Je vais faire cesser en ce lieu, sous vos yeux et de vos jours, le cri de joie et le cri d'allégresse, le chant du fiancé et le chant de la fiancée. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront: pourquoi le Seigneur nous annonce-t-il tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité et quel est notre péché que nous avons commis contre le Seigneur, notre Dieu? Et tu leur diras: c'est que vos pères m'ont abandonné, oracle du Seigneur, et qu'ils sont allés après d'autres dieux, qu'ils les ont servis et adorés, et que moi, ils m'ont abandonné, et qu'ils n'ont pas observé ma loi. Et vous, vous avez fait le mal plus que vos pères, et voici que vous allez chacun après la perversité de votre mauvais cœur, pour ne point m'écouter. Je vous jetterai hors de ce pays, dans un pays que vous n'aurez pas connu, ni vous, ni vos pères. Et là vous servirez les dieux étrangers, la nuit et le jour, car je ne vous ferai point grâce. C'est pourquoi voici que des jours viennent, oracle du Seigneur, où l'on ne dira plus: le Seigneur est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Mais le Seigneur est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Septentrion, et de tous les pays où il les avait chassés. Et je les ramènerai dans leur pays, que j'avais donné à leur père. Voici que j'appelle en foule des pêcheurs, oracle du Seigneur, et ils les pêcheront. Et après cela, j'appellerai en foule des chasseurs, et ils les chasseront de toute montagne, et de toute colline, et des fentes des rochers. Car mes yeux sont sur toutes leurs voies, elles ne sont pas cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. Tout d'abord je leur paierai au double leur iniquité et leur péché, parce qu'ils ont profané mon pays. Des cadavres de leurs idoles et de leurs abominations, ils ont rempli mon héritage. Seigneur, ma force, mon rempart et mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre et diront: Nos pères n'ont eu en héritage que le mensonge, des vanités qui ne servent à rien. Se peut-il qu'un homme se fasse des dieux? Et ce ne sont pas des dieux. C'est pourquoi voici que je vais leur faire connaître, cette fois-ci. Je vais leur faire connaître ma main et ma puissance, et ils sauront que mon nom est le Seigneur. Chapitre 17. Le péché de Juda est écrit avec un stylet de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et aux cornes de vos autels. Comme ils se souviennent de leurs enfants, ainsi se souviennent-ils de leur autel et de leur Achéra, près des arbres verts, sur les collines élevées. Ô ma montagne qui est dans la plaine, je livrerai au pillage tes biens, tous tes trésors, tes hauts lieux, à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Tu laisseras en friche, et par ta faute, ton héritage que je t'avais donné. Je te ferai servir tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûle pour jamais. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui fait de la chair son bras, et dont le cœur se retire du Seigneur. Il est comme une bruyère dans la lande, il ne jouit pas quand le bonheur arrive. Il occupera les lieux brûlés au désert, une terre salée où personne n'habite. Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur, et dont le Seigneur est la confiance. Il est comme un arbre planté au bord des eaux, qui pousse ses racines vers le courant. Il ne craint pas quand vient la chaleur, et son feuillage reste vert. Il ne s'inquiète point de l'année de la sécheresse, et ne cesse pas de porter du fruit. Le cœur est rusé plus que toute chose et corrompu. Qui le connaîtra? Moi, le Seigneur, qui sonde les cœurs et qui éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Une perdrix couve des œufs qu'elle n'a pas pondus, tel celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter, et à sa fin, il n'est qu'un insensé. Trône de gloire, hauteur éternelle, lieu de notre sanctuaire, espoir d'Israël, Seigneur, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils ont abandonné la source des eaux vives, le Seigneur. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma louange. Voici qu'ils me disent: Où est la parole du Seigneur? Qu'elle arrive. Et moi, je n'ai pas refusé d'être pasteur à ta suite. Je n'ai pas désiré le jour du malheur, tu le sais. Ce qui est sorti de mes lèvres était présent devant ta face. Ne sois pas pour moi une cause de ruine. Tu es mon refuge au jour du malheur. Que mes persécuteurs soient confondus, et que je ne sois pas confondu moi-même. Qu'ils tremblent, eux, et que moi je ne tremble pas. Amène sur eux le jour du malheur, et brise-les d'une double brèche. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, et tiens-toi à la porte des fils du peuple, par où entrent et sortent les rois de Juda, et à toutes les portes de Jérusalem, et tu leur diras: Écoutez la parole du Seigneur, vous, rois de Juda, et tout Juda, et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ses portes. Ainsi parle le Seigneur. Prenez garde à vos âmes, et ne portez point de fardeau le jour du sabbat, et n'en faites point entrer par les portes de Jérusalem. Ne faites sortir de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage, et sanctifiez le jour du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. Ils n'ont pas écouté ni prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou pour ne pas écouter et ne pas recevoir l'instruction. Si vous m'écoutez docilement, oracle du Seigneur, en ne faisant point entrer de fardeau par les portes de cette ville le jour du sabbat, en sanctifiant le jour du sabbat en ne faisant aucun ouvrage ce jour-là, alors, par les portes de cette ville, entreront des rois et des princes assis sur le trône de David, montés sur des chars et des chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Et cette ville sera habitée à jamais. On viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem, du pays de Benjamin et de la Séphéla, de la montagne et du Négeb, amener des holocaustes et des sacrifices, des oblations et de l'encens, et apporter des sacrifices d'action de grâce dans la maison du Seigneur. Mais si vous ne m'écoutez pas en sanctifiant le jour du sabbat, en ne portant aucun fardeau, quand vous entrez par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville, et il dévorera les palais de Jérusalem, et il ne s'éteindra point. Chapitre 18. La parole qui fut adressée à Jérémie par le Seigneur, en ces termes. Lève-toi, et descends à la maison du potier. Et là, je te ferai entendre ma parole. Je descendis à la maison du potier, et voici qu'il faisait son ouvrage sur les roues. Et le vase qu'il faisait manqua, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Et il refit un autre vase, comme il parut bon aux yeux du potier de le faire. Et la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Est-ce que je ne puis pas vous faire comme a fait ce potier ? Maison d'Israël, oracle du Seigneur. Oui, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Tantôt je parle, touchant une nation et touchant un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais cette nation, contre laquelle j'ai parlé, revient-elle de sa méchanceté ? Alors je me repens du mal que j'avais résolu de lui faire. Tantôt je parle, touchant une nation et touchant un royaume, de bâtir et de planter. Mais cette nation fait-elle ce qui est mal à mes yeux, en n'écoutant pas ma voix? Alors je me repens du bien que j'avais dit que je lui ferais. Et maintenant, parle donc aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem en ces termes. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je façonne contre vous un malheur, et que je médite un dessein contre vous. Revenez donc chacun de votre voie mauvaise, et réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain. Nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon l'obstination de notre mauvais cœur. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Interrogez les nations. Qui a jamais entendu pareille chose? Elle a commis d'horribles abominations, la Vierge d'Israël. Quitte-t-elle le rocher de la plaine, la neige du Liban? Voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes? Or mon peuple m'a oublié, il offre de l'encens au néant. Les idoles les font chanceler dans leur voix. Les chemins d'autrefois, poursuivre des sentiers, une route non frayée. Pour faire de leur pays une désolation, un objet d'éternelle moquerie. Tous ceux qui y passeront seront stupéfaits et hocheront la tête. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur montrerai le dos et non la face, au jour de leur désastre. Et ils ont dit. Venez, formons un complot contre Jérémie, car la loi ne périra pas chez le prêtre, ni le conseil chez le sage, ni la parole de Dieu chez le prophète. Venez, frappons-le avec la langue, et ne prêtons pas l'oreille à tous ses discours. Prête-moi l'oreille, Seigneur, et entends la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien, qu'ils creusent une fosse pour mon âme. Souviens-toi comment je me suis tenu devant toi, pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine, et abandonne-les aux tranchants du glaive. Que leurs femmes perdent leurs enfants et leurs époux, que leurs hommes meurent par la peste, et que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat. Qu'on entende leurs cris sortir de leurs maisons, quand tu feras venir subitement sur eux des bandes armées. Car ils ont creusé une fosse pour me prendre, et ils ont caché des filets devant mes pieds. Et toi, Seigneur, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Ne leur pardonne pas leur iniquité, n'efface pas leur péché de devant toi. Qu'ils s'affaissent devant toi. Agis contre eux au temps de ta colère. Chapitre 19. Ainsi a parlé le Seigneur. Va, achète-toi une cruche de potier. Prends avec toi des anciens du peuple et des anciens d'entre les prêtres. Et sors vers la vallée de Ben-Hinnom, qui est à l'entrée de la porte de la poterie. Et là tu publieras les paroles que je te dirai. Tu diras : Écoutez la parole du Seigneur, roi de Juda et habitant de Jérusalem. Ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël. Voici que je vais amener sur ce lieu un malheur, tel que les oreilles tinteront à qui en entendra parler. Parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont aliéné ce lieu, qu'ils y ont offert de l'encens à des dieux étrangers que ne connaissaient ni eux, ni leurs pères, ni les rois de Juda, et qu'ils ont rempli ce lieu du sang des innocents. Ils ont bâti les hauts lieux de Baal, pour consumer leurs enfants par le feu en holocauste à Baal, chose que je n'avais ni commandée, ni dite, et qui n'était point montée à mon cœur. C'est pourquoi voici que des jours viennent, oracle du Seigneur, où ce lieu ne sera plus appelé Tophet, ni vallée de Ben-Hinnom, mais vallée du massacre. Je rendrai vain dans ce lieu le conseil de Juda et de Jérusalem. Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis et par la main de ceux qui en veulent à leur vie. Et je donnerai leurs cadavres en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Et je ferai de cette ville un objet de stupeur et de risée. Quiconque passera près d'elle sera stupéfait et rira de toutes ses meurtrissures. Je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles. Ils mangeront la chair les uns des autres, dans l'angoisse et la détresse où les réduiront leurs ennemis et ceux qui en veulent à leur vie. Tu briseras ensuite la cruche sous les yeux des hommes venus avec toi, et tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur des armées. Je briserai ce peuple et cette ville comme on brise le vase du potier, qui ne peut plus être réparé, et l'on enterrera à Tophet, faute de place pour enterrer. Voilà ce que je ferai à ce lieu, oracle du Seigneur, et à ses habitants. En rendant cette ville semblable à Tophet. Les maisons de Jérusalem et les maisons des rois de Juda seront telles que ce lieu de Tophet, souillées. Toutes les maisons sur les toits desquelles on a offert de l'encens à toute l'armée des cieux et versé des libations à des dieux étrangers. Jérémie revint de Tophet, où le Seigneur l'avait envoyé prophétiser, et, se tenant dans le parvis de la maison du Seigneur, il dit à tout le peuple : Ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Voici que je vais faire venir sur cette ville et sur toutes les villes de son ressort tous les malheurs que j'ai annoncés contre elle, parce qu'ils ont raidi leur cou pour ne point obéir à mes paroles. Chapitre 20. Le prêtre Phassur, fils d'Émer, qui était surveillant en chef dans la maison du Seigneur, entendit Jérémie prononcer ses prophéties. Et Phassur frappa Jérémie le prophète et le fit mettre au cep, à la porte haute de Benjamin, qui est dans la maison du Seigneur. Le lendemain, Phassur fit sortir Jérémie des ceps, et Jérémie lui dit « Ce n'est plus Phassur que le Seigneur t'appelle, mais Magor Missabib, car ainsi parle le Seigneur. Voici que je te livre à la terreur, toi et tous tes amis. Ils tomberont sous l'épée de leurs ennemis, et tes yeux le verront. Et je livrerai aussi tout Juda aux mains du roi de Babylone, et il les emmènera captifs à Babylone, et les frappera de l'épée. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tous ses produits, tous ses objets précieux, et tous les trésors des rois de Juda. Je les livrerai aux mains de leurs ennemis, et ils les pilleront, les enlèveront, et les emmèneront à Babylone. Et toi, Phassur, et tous ceux qui habitent dans ta maison, vous irez en captivité. Tu iras à Babylone, et là tu mourras. Là tu seras enterré, toi et tous tes amis, auxquels tu as prophétisé le mensonge. Tu m'as séduit, Seigneur, et j'ai été séduit. Tu m'as saisi, et tu as prévalu. Je suis chaque jour un objet de risée. Tous se moquent de moi. Car chaque fois que je parle, je crie, j'annonce violence et dévastation. Et la parole du Seigneur est pour moi opprobre et sujet de risée, chaque jour. Je disais, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y avait dans mon cœur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os. Je m'efforçais de le contenir, et je n'ai pas pu. Car j'entendais les propos méchants de la foule. Terreur de toutes parts. Dénoncez, allons le dénoncer. Tous ceux avec qui j'étais en paix épillent mes pas. S'il se laisse séduire, nous prévaudrons contre lui, et nous tirerons vengeance de lui. Mais le Seigneur est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs s'affaisseront, et ils ne prévaudront pas. Ils seront confondus pour n'avoir pas réussi, d'un opprobre éternel qui ne sera pas oublié. Seigneur des armées, toi qui éprouves le juste, qui vois les reins et les cœurs, je verrai la vengeance que tu tireras d'eux, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez au Seigneur, louez le Seigneur, car il a tiré l'âme du malheureux de la main des méchants. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta la nouvelle à mon père en lui disant « Un enfant mâle t'est né » et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que le Seigneur a renversées sans s'en repentir, qu'il entende le matin les cris des vaincus et à midi les vociférations des vainqueurs. Parce qu'il ne m'a pas tué dès le sein maternel, afin que ma mère fût mon tombeau, ou que son sein me gardât éternellement. Pourquoi suis-je sorti de son sein, pour voir la peine et la douleur, et pour consumer mes jours dans l'ignominie? Chapitre 21. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur, lorsque le roi Sédécias envoya vers lui Phassur, fils de Melchias, et le prêtre Sophonias, fils de Maasias, pour lui dire « Consulte, je t'en prie, le Seigneur pour nous, car Nabuchodonosor, roi de Babylone, nous fait la guerre. Peut-être le Seigneur renouvellera-t-il en notre faveur tous ses grands miracles, afin qu'il s'éloigne de nous. » Jérémie leur répondit « Voici ce que vous direz à Sédécias. Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Voici que je vais faire retourner en arrière les armes de guerre qui sont dans vos mains, avec lesquelles vous combattez hors des murs le roi de Babylone et les Chaldéens qui vous assiègent, et je les rassemblerai au milieu de la ville. Et moi, je combattrai contre vous la main étendue et d'un bras puissant, avec colère, fureur et grande indignation. Je frapperai les habitants de cette ville, les hommes et les bêtes, et ils mourront d'une grande peste. Après cela, oracle du Seigneur, je livrerai Sédécias, roi de Juda, ses serviteurs, le peuple et ceux qui, dans cette ville, auront échappé à la peste, à l'épée et à la famine. Je les livrerai aux mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, aux mains de leurs ennemis et de ceux qui en veulent à leur vie. Et il les passera au fil de l'épée. Il ne les épargnera pas. Il n'aura ni pitié, ni compassion. Et tu diras à ce peuple, « Ainsi parle le Seigneur. » Voici que je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Celui qui en sortira pour se rendre aux Chaldéens qui vous assiègent vivra et aura sa vie pour butin. Car j'ai tourné ma face vers cette ville pour lui faire du mal, et non pas du bien. Oracle du Seigneur. Elle sera livrée aux mains du roi de Babylone, et il la consumera par le feu. Et à la maison du roi de Juda, tu diras « Écoutez la parole du Seigneur, maison de David. Ainsi parle le Seigneur. Rendez la justice dès le matin. Arrachez l'opprimé des mains de l'oppresseur, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne brûle sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. Voici que j'en viens à toi, habitante de la vallée, rocher de la plaine, oracle du Seigneur. Vous qui dites, qui descendra sur nous et qui entrera dans nos retraites? Je vous châtierai selon le fruit de vos œuvres, oracle du Seigneur. Je mettrai le feu à sa forêt, et il en dévorera tous les alentours. » Chapitre 22. Ainsi parle le Seigneur. Descends à la maison du roi de Juda, et là tu prononceras ces paroles. Tu diras : Écoute la parole du Seigneur, ô roi de Juda, qui siège sur le trône de David, toi, tes serviteurs et ton peuple, qui entrez par ses portes. Ainsi parle le Seigneur. Faites droit et justice. Arrachez l'opprimé aux mains de l'oppresseur. L'étranger, l'orphelin et la veuve, ne les maltraitez pas, ne les violentez pas, et ne versez pas le sang innocent dans ce lieu. Si vous accomplissez exactement cette parole, les rois assis sur le trône de David entreront par la porte de cette maison, montés sur des chars et sur des chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, cette maison deviendra une ruine. Car ainsi parle le Seigneur, touchant la maison du roi de Juda. Tu es pour moi un Galaad, le sommet du Liban. Eh bien, je ferai de toi un désert, des villes inhabitées. Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses outils. Ils couperont tes cèdres de choix et les jetteront au feu. De nombreuses nations passeront par cette ville et elles se diront l'une à l'autre. Pourquoi le Seigneur a-t-il ainsi traité cette grande ville? Et l'on dira, parce qu'ils ont abandonné l'alliance du Seigneur, leur Dieu, qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. Ne pleurez point celui qui est mort, et ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez, pleurez celui qui s'en est allé, car il ne reviendra plus, et ne verra pas le pays de sa naissance. Car ainsi parle le Seigneur touchant Séloum, fils de Josias, roi de Juda, qui a régné à la place de Josias, son père, et qui est sorti de ce lieu. Il n'y reviendra plus. Au lieu où on l'a emmené captif, il mourra, et il ne reverra plus ce pays. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice, et ses étages avec l'iniquité, qui fait travailler son prochain pour rien sans lui donner son salaire, qui dit « Je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses », qui y perce beaucoup de fenêtres, la couvre de cèdre et la peint au vermillon. Es-tu roi parce que tu as la passion du cèdre? Ton père n'a-t-il pas mangé et bu? Il faisait droit et justice, alors tout allait bien pour lui. Il jugeait la cause du malheureux et du pauvre, alors tout allait bien. N'est-ce pas là me connaître, oracle du Seigneur? Mais tes yeux et ton cœur ne sont tournés qu'à ton intérêt, au sang innocent pour le répandre, à l'oppression et à la violence pour les commettre. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur touchant Joachim, fils de Josias, roi de Juda. On ne pleurera pas sur lui en disant « Hélas, mon frère, hélas, ma sœur !» On ne pleurera pas sur lui en disant « Hélas, Seigneur, hélas, Majesté !» Il sera enterré comme on enterre un âne. Il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Monte au Liban et crie. Élève ta voix en Basan. Crie du haut d'Abarim, car tous tes amants sont brisés. Je t'ai parlé au temps de ta prospérité. Tu as dit, je n'écouterai pas. C'est là ta conduite dès ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. Car le vent emmènera paître tes pasteurs, et tes amants iront en captivité. Alors tu seras couverte de confusion et de honte pour toute ta méchanceté. Toi qui habites au Liban, qui places ton nid dans les cèdres, comme tu gémiras quand viendront sur toi les douleurs, des convulsions pareilles à celles d'une femme en travail. Je suis vivant, oracle du Seigneur. Quand Jéconias, fils de Joachim, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, je l'arracherai de là. Je te livrerai aux mains de ceux qui en veulent à ta vie, aux mains de ceux devant qui tu trembles, aux mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, et aux mains des Chaldéens. Je te jetterai, toi et ta mère qui t'as mis au monde, dans un autre pays où vous n'êtes pas nés. Et là, vous mourrez. Et au pays où ils aspireront à revenir, ils ne reviendront pas. Est-ce donc un vase méprisé et brisé que cet homme, Jéconias, ou bien un ustensile dont personne ne veut? Pourquoi les a-t-on chassés, lui et sa race, et les a-t-on jetés dans un pays qu'ils ne connaissaient pas? Terre, terre, terre, écoute la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Inscrivez cet homme comme stérile, comme un homme qui ne réussit pas dans ses jours. Car nul de sa race ne réussira à s'asseoir sur le trône de David pour régner encore sur Juda. Chapitre 23. Malheur aux pasteurs qui perdent et dispersent les brebis de mon pâturage. Oracle du Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël, touchant les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici que je vais prendre soin, contre vous, de la méchanceté de vos actions. Oracle du Seigneur. Et moi je rassemblerai le reste de mes brebis, de tous les pays où je les aurai chassées, et je les ramènerai dans leur pâturage. Elles croîtront et se multiplieront. Et je susciterai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus ni crainte ni terreur, et il n'en manquera plus aucune. Oracle du Seigneur. Voici que des jours viennent, oracle du Seigneur, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et il sera sage, et il fera droit et justice dans le pays. Dans ces jours, Juda sera sauvé. Israël habitera en assurance. Et voici le nom dont on l'appellera. Seigneur, notre justice. C'est pourquoi voici que des jours viennent, oracle du Seigneur, où l'on ne dira plus. Le Seigneur est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Mais le Seigneur est vivant, lui qui a fait monter et fait revenir la race de la maison d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront sur leur sol. Au prophète. Mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, en présence du Seigneur et en présence de sa parole sainte. Car le pays est rempli d'adultères. Car, à cause de la malédiction, le pays est en deuil. Les pâturages du désert sont desséchés. L'objet de leur course est le mal, leur force est l'injustice. Prophètes et prêtres eux-mêmes sont des profanes, et dans ma maison même j'ai trouvé leur méchanceté. Oracle du Seigneur. Aussi leur chemin sera pour eux comme des lieux glissants dans les ténèbres. Ils seront poussés, ils y tomberont, car j'amènerai sur eux le malheur l'année où je les visiterai. Oracle du Seigneur. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de la sottise. Ils prophétisaient par Baal, et ils égaraient mon peuple d'Israël. Et dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu l'horreur. Ils commettent l'adultère et marchent dans le mensonge. Ils affermissent les mains des méchants, afin qu'aucun d'eux ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous pour moi comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorre. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur des armées touchant les prophètes. Je vais leur faire manger de l'absinthe et leur faire boire des eaux empoisonnées. Car c'est des prophètes de Jérusalem que la profanation est venue dans tout le pays. Ainsi parle le Seigneur des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à la vanité. Ils disent les visions de leur propre cœur, et non ce qui sort de la bouche du Seigneur. Ils disent à ceux qui me méprisent, « Le Seigneur a dit, vous aurez la paix. » Et à tous ceux qui marchent dans la perversité de leur cœur, ils disent, « Il ne vous arrivera aucun mal. » Mais qui a assisté au conseil du Seigneur pour voir et entendre sa parole? Qui a été attentif à sa parole et l'a entendue? Voici que la tempête du Seigneur, la fureur, va éclater. L'orage tourbillonne, il fond sur la tête des impies. La colère du Seigneur ne retournera pas en arrière qu'elle n'ait agi et réalisé les desseins de son cœur. À la fin des temps, vous en aurez la pleine intelligence. Je n'ai pas envoyé ces prophètes, et ils courent. Je ne leur ai point parlé, et ils prophétisent. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient fait entendre mes paroles à mon peuple. Ils les auraient ramenés de leur voie mauvaise, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je un Dieu que de près, oracle du Seigneur, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Un homme peut-il se cacher dans des cachettes sans que je le voie, oracle du Seigneur? Est-ce que le ciel et la terre, je ne les remplis pas, moi, oracle du Seigneur? J'ai entendu ce que disent ces prophètes qui prophétisent en mon nom des mensonges, en disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe. » Jusques à quand? Veulent-ils, ces prophètes qui prophétisent le mensonge, ces prophètes de l'imposture de leur cœur, pensent-ils faire oublier mon nom à mon peuple, pour les rêves qu'ils se racontent les uns aux autres, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal? Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, Que celui qui a ma parole rapporte fidèlement ma parole. Qu'a de commun la paille avec le froment, oracle du Seigneur. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, oracle du Seigneur, comme un marteau qui brise le roc. C'est pourquoi, voici que je viens à ces prophètes qui se dérobent mes paroles les uns aux autres. Voici que je viens à ces prophètes, oracle du Seigneur, qui agitent leur langue et qui disent « Oracle du Seigneur ». Voici que je viens à ceux qui prophétisent des songes menteurs, oracle du Seigneur, qui les racontent, qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur extravagance. Je ne les ai point envoyés, et je ne leur ai rien commandé. Ils ne servent de rien à ce peuple, oracle du Seigneur. Quand ce peuple, ou des prophètes, ou un prêtre t'interroge en ces termes, quel est le fardeau du Seigneur? Tu leur répondras, c'est vous qui êtes le fardeau, et je vous rejetterai, oracle du Seigneur. Et le prophète, le prêtre ou l'homme du peuple qui dira, fardeau du Seigneur, je visiterai cet homme et sa maison. Voici comment vous parlerez l'un à l'autre et chacun à son frère. Qu'a répondu le Seigneur? Et qu'a dit le Seigneur? Mais vous ne répéterez plus « Fardeau du Seigneur », car le fardeau de chacun sera sa parole, parce que vous tordez les paroles du Dieu vivant, du Seigneur des armées, notre Dieu. Tu parleras ainsi au prophète. Que t'a répondu le Seigneur? Qu'a dit le Seigneur? Mais si vous dites « Fardeau du Seigneur », alors le Seigneur parle ainsi. Parce que vous dites ce mot « Fardeau du Seigneur », après que j'ai envoyé vers vous pour vous dire « Ne dites plus « Fardeau du Seigneur ». À cause de cela, voici que je vous oublierai entièrement et que je vous rejetterai de devant ma face, vous et la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères. Et je ferai venir sur vous un opprobre éternel, une honte éternelle, qui ne s'oublieront jamais. » Chapitre 24. Le Seigneur me fit voir, et voici deux paniers de figues posés devant le temple du Seigneur. C'était après que Nabuchodonosor, roi de Babylone, eut emmené captif de Jérusalem à Babylone Jéconias, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme le sont les figues de la première récolte. L'autre panier, des figues très mauvaises, qu'on ne pouvait manger, tant elles étaient mauvaises. Et le Seigneur me dit, « Que vois-tu, Jérémie ? » Et je répondis, « Des figues. Les bonnes figues sont très bonnes, les mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être mangées, tant elles sont mauvaises. » Et la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Comme on regarde ces bonnes figues, ainsi je regarderai avec faveur les captifs de Juda, que j'ai envoyés de ce lieu au pays des Chaldéens. Je dirigerai sur eux mes regards pour leur bien, et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai pour ne plus les détruire, je les planterai pour ne plus les arracher. Je leur donnerai un cœur pour me connaître et savoir que je suis le Seigneur. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, car ils reviendront à moi de tout leur cœur. Et comme on traite les mauvaises figues, qu'on ne mange pas, tant elles sont mauvaises, ainsi parle le Seigneur. Ainsi je traiterai Sédécias, roi de Juda, ses princes et le reste de Jérusalem, ceux qui sont demeurés dans ce pays, et ceux qui habitent au pays d'Égypte. J'en ferai un objet d'horreur, un malheur, dans tous les royaumes de la terre. Un opprobre, une fable, une risée, une malédiction dans tous les lieux où je les chasserai. Et j'enverrai sur eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu du sol que j'avais donné à eux et à leurs pères. Chapitre 25. La parole qui fut adressée à Jérémie touchant tout le peuple de Juda, en la quatrième année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça sur tout le peuple de Juda et pour tous les habitants de Jérusalem, en ces termes. Depuis la treizième année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, jusqu'à ce jour, voici 23 ans que la parole du Seigneur m'a été adressée, et que je vous ai parlé, vous parlant dès le matin, et que vous n'avez pas écouté. Le Seigneur vous a envoyé tous ses serviteurs les prophètes, les envoyant dès le matin, et vous n'avez pas écouté, et vous n'avez pas prêté l'oreille pour entendre. Il disait, « Revenez donc chacun de votre mauvaise voie et de la perversité de vos actions, et vous habiterez dans le pays que le Seigneur a donné à vous et à vos pères, d'âge en âge. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et les adorer. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous n'avez pas écouté, oracle du Seigneur, afin de m'irriter par l'œuvre de vos mains, pour votre malheur. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur des armées. Parce que vous n'avez pas écouté mes paroles, voici que j'envoie prendre toutes les tribus du septentrion, oracle du Seigneur, et je les amène à Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Je les ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes ces nations d'alentour, que je frapperai d'anathème, et dont je ferai une solitude, un objet de moquerie, une ruine éternelle. Je ferai disparaître du milieu d'eux les cris de joie et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays sera une solitude, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Et lorsque les 70 ans seront accomplis, je ferai rendre compte de leurs péchés au roi de Babylone et à cette nation, oracle du Seigneur, et au pays des Chaldéens, et j'en ferai des solitudes éternelles. Et je ferai venir sur ce pays toutes les paroles que j'ai prononcées contre lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Car des nations nombreuses et de grands rois les asserviront, eux aussi, et je leur rendrai selon leurs actions et selon l'œuvre de leurs mains. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe du vin de ma colère, et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Elles en boiront, elles chancelleront, elles seront prises de folie devant l'épée que j'enverrai au milieu d'elles. Je pris la coupe de la main du Seigneur, et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles le Seigneur m'envoyait. À Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois, à ses princes, pour en faire une solitude, une désolation, un objet de moquerie et de malédiction, comme cela se voit aujourd'hui. À Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs, à ses princes, à tout son peuple, à tout le peuple mélangé, à tous les rois du pays de Hutz, à tous les rois du pays des Philistins, à Ascalon, à Gaza, à Acharon et au reste d'Azoth, à Édom, à Moab et aux fils d'Ammon, à tous les rois de Tyr et à tous les rois de Sidon, et aux rois des îles qui sont au-delà de la mer, à Dédan, à Théma, à Buse et à tous ceux qui se rasent les tempes, à tous les rois d'Arabie, à tous les rois des peuples mélangés qui habitent le désert, à tous les rois de Zambri, à tous les rois d'Élam, et à tous les rois de Médie, à tous les rois du septentrion, proches ou éloignés, à l'un comme à l'autre, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre. Et le roi de Sessac boira après eux. Tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël. Buvez, enivrez-vous, vomissez et tombez pour ne plus vous relever, devant l'épée que j'envoie au milieu de vous. Et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur, vous boirez. » Car voici, c'est dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué que je commence à faire venir le mal. Et vous, vous seriez impunis. Vous ne serez pas impunis, car j'appelle l'épée sur tous les habitants de la terre. Oracle du Seigneur des armées. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras. Le Seigneur rugit du haut du ciel. De sa demeure sainte, il fait retentir sa voix. Il rugit violemment contre son domaine. Il pousse le cri des vendangeurs contre tous les habitants de la terre. Le bruit en est arrivé jusqu'au bout de la terre, car le Seigneur fait le procès à toutes les nations. Il entre en jugement avec toute chair. Il livre les méchants au glaive. Oracle du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur des armées. Voici que le malheur passe de nation en nation. Une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Et il y aura des tués du Seigneur en ce jour-là, d'un bout de la terre à l'autre. Ils ne seront ni pleurés, ni ramassés, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur le sol. Hurlez, pasteurs, et criez. Roulez-vous dans la poussière, chef du troupeau, car vos jours sont accomplis pour le massacre. Je vous disperserai, et vous tomberez comme des vases de prix. Plus de retraite pour les pasteurs, plus de refuge pour les chefs du troupeau. On entend les cris des pasteurs et les hurlements des chefs du troupeau, car le Seigneur ravage leur pâturage. Les campagnes paisibles sont dévastées par la fureur de la colère du Seigneur. Ils quittent sa retraite, comme le lion son fourré. Leur pays va être changé en désert devant la fureur du destructeur, devant la fureur de la colère du Seigneur. Chapitre 26. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Tiens-toi dans le parvis de la maison du Seigneur, et dis à ceux de toutes les villes de Juda qui viennent adorer dans la maison du Seigneur toutes les paroles que je t'ai commandé de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je me repentirai du mal que j'ai dessein de leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur. Si vous ne m'obéissez pas, en suivant la loi que j'ai mise devant vous, en écoutant les paroles de mes serviteurs les prophètes, que j'envoie vers vous, que j'ai envoyé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, je traiterai cette maison comme Silo. Et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les prêtres, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans la maison du Seigneur. Et quand Jérémie eut achevé de dire tout ce que le Seigneur lui avait commandé de dire à tout le peuple, les prêtres, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui, en disant, « Tu mourras !» Pourquoi prophétises-tu au nom du Seigneur en disant « Cette maison sera comme Silo, et cette ville sera dévastée et sans habitants ?» Et tout le peuple se rassembla autour de Jérémie dans la maison du Seigneur. Les princes de Juda, ayant appris ces choses, montèrent de la maison du roi à la maison du Seigneur, et s'assirent à l'entrée de la porte neuve de la maison du Seigneur. Alors tous les prêtres et les prophètes dirent aux princes et à tout le peuple : Cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos oreilles. Et Jérémie parla à tous les princes et à tout le peuple en disant : C'est le Seigneur qui m'a envoyé prophétiser contre cette maison et contre cette ville, toutes les choses que vous avez entendues. Maintenant, améliorez vos voies et vos œuvres, et écoutez la voix du Seigneur, votre Dieu, et le Seigneur se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Pour moi, me voici entre vos mains. Faites de moi selon qu'il paraîtra bon et juste à vos yeux. Seulement, sachez que si vous me faites mourir, c'est du sang innocent que vous mettrez sur vous, sur cette ville et ses habitants. Car en vérité le Seigneur m'a envoyé vers vous pour faire entendre à vos oreilles toutes ces paroles. Alors les princes et tout le peuple dirent aux prêtres et aux prophètes : Cet homme ne mérite pas la mort, car c'est au nom du Seigneur, notre Dieu, qu'il nous a parlé. Et quelques-uns des anciens du pays, s'étant levés, dirent à toute l'assemblée du peuple : Michée de Moréchette prophétisait au jour d'Ézéchias, roi de Juda, et il parla à tout le peuple de Juda en ces termes : Ainsi parle le Seigneur des armées : Sion sera labourée comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de ruines, et la montagne du temple une colline boisée. Ézéchias, roi de Juda, et tout Juda l'ont-ils donc fait mourir ? N'ont-ils pas plutôt craint le Seigneur ? N'ont-ils pas imploré le Seigneur ? Et le Seigneur s'est repenti de ce qu'il avait prononcé contre eux. Et nous commettrions un grand crime au préjudice de nos âmes. Il y eut aussi un homme qui prophétisait au nom du Seigneur, Uri, fils de Séméi, de Kariatiarim. Il prophétisa contre cette ville et contre ce pays exactement les mêmes choses que Jérémie. Le roi Joachim, tous ses hommes vaillants et tous ses princes entendirent ses paroles, et le roi chercha à le faire mourir. Uri en fut informé. Il eut peur et s'enfuit en Égypte. Mais le roi Joachim envoya des hommes en Égypte. Elnathan, fils d'Akobor, et des hommes avec lui, en Égypte. Ils firent sortir Uri d'Égypte et l'emmenèrent au roi Joachim, qui le fit périr par l'épée et jeta son cadavre dans les sépulcres du commun peuple. Or la main d'Ahikam, fils de Saphan, soutint Jérémie, en sorte qu'on ne le livra pas au peuple pour être mis à mort. Chapitre 27. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Fais-toi des liens et des joues, et mets-les sur ton cou. Puis envoie-les au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des enfants d'Ammon, au roi de Tyr et au roi de Sidon, par l'intermédiaire des ambassadeurs qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécias, roi de Juda. Donne-leur un message pour leur maître en ces termes. Ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui, par ma puissance et par mon bras étendu, ai fait la terre, l'homme et les animaux qui sont sur la face de la terre, et je la donne à qui il me plaît. Et maintenant, moi j'ai donné toutes ces contrées aux mains de Nabucodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui ai donné même les animaux des champs pour qu'il le serve. Toutes les nations lui seront assujetties, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que vienne le temps de son pays, à lui aussi, et que des nations nombreuses et de grands rois l'assujettissent. La nation et le royaume qui ne se soumettront pas à lui, Nabuchodonosor, roi de Babylone, et qui ne mettront pas leur cou sous le joug du roi de Babylone, cette nation, je la visiterai par l'épée, par la famine et par la peste. Oracle du Seigneur. Jusqu'à ce que je l'achève par sa main. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, ni vos devins, ni vos songes, ni vos augures, ni vos magiciens qui vous disent « Vous ne serez pas assujettis au roi de Babylone. » Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent, pour qu'on vous éloigne de votre pays, pour que je vous chasse et que vous périssiez. Mais la nation qui mettra son cou sous le joug du roi de Babylone et le servira, je la laisserai en repos dans son pays. Oracle du Seigneur. Elle le cultivera et y demeurera. Et à Sédécias, roi de Juda, je parlais selon toutes ces paroles, en disant « Mettez vos coups sous le joug du roi de Babylone. Servez-le, lui et son peuple, et vous vivrez. Pourquoi mourriez-vous, toi et ton peuple, par l'épée, par la famine et par la peste, comme le Seigneur l'a dit de la nation qui ne voudra pas servir le roi de Babylone ? N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent « Vous ne serez point assujettis au roi de Babylone, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent, car je ne les ai point envoyés, oracle du Seigneur. Et ils prophétisent faussement en mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. Et aux prêtres et à tout ce peuple, je parlerai en ces termes. Ainsi parle le Seigneur. N'écoutez pas les paroles de vos prophètes qui vous prophétisent en ces termes. Voici que les ustensiles de la maison du Seigneur seront bientôt ramenés de Babylone. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. Ne les écoutez pas. Soumettez-vous au roi de Babylone, et vous vivrez. Pourquoi cette ville serait-elle réduite en solitude ? S'ils sont prophètes, si la parole du Seigneur est avec eux, qu'ils intercèdent auprès du Seigneur des armées pour que les ustensiles qui sont restés dans la maison du Seigneur, dans celle des rois de Juda et à Jérusalem, ne s'en aillent pas à Babylone. Car ainsi parle le Seigneur des armées au sujet des colonnes, de la mer, des bases et des autres ustensiles qui sont restés dans cette ville, que Nabuchodonosor, roi de Babylone, n'a pas pris, lorsqu'il a emmené captif de Jérusalem à Babylone Jéconias, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les grands de Juda et de Jérusalem. Car ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël, au sujet des ustensiles qui restent dans la maison du Seigneur, dans la maison du roi de Juda et à Jérusalem. Ils seront emportés à Babylone, et ils y resteront jusqu'au jour où je les visiterai. Oracle du Seigneur. Et je les ferai remonter et revenir dans ce lieu. Chapitre 28. Cette même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, la quatrième année, le cinquième mois, le prophète Hananias, fils d'Azur de Gabaon, me dit, dans la maison du Seigneur, en présence des prêtres et de tout le peuple. Ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël. J'ai brisé le joug du roi de Babylone. Encore 2 ans, et je ramènerai dans ce lieu tous les ustensiles de la maison du Seigneur, que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu Jéconias, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone. Oracle du Seigneur, car je briserai le joug du roi de Babylone. Et Jérémie le prophète répondit à Hananias le prophète, en présence des prêtres et en présence de tout le peuple qui se tenait dans la maison du Seigneur. Jérémie le prophète dit: Amen. Ainsi fasse le Seigneur. Que le Seigneur accomplisse les paroles que tu viens de prophétiser, en ramenant de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison du Seigneur et tous les captifs. Toutefois, entends cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé à de nombreux pays et à de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Quant aux prophètes qui prophétisent la paix, ce sera lorsque s'accomplira la parole de ce prophète qu'il sera reconnu pour le prophète véritablement envoyé par le Seigneur. Alors Hananias le prophète prit le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète et le brisa. Et Hananias dit en présence de tout le peuple: Ainsi parle le Seigneur. C'est ainsi que dans 2 ans je briserai le joug de Nabuchodonosor, roi de Babylone, de dessus le cou de toutes les nations. Et Jérémie le prophète s'en alla. Et la parole du Seigneur fut adressée à Jérémie. Après que Hananias le prophète eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète. En ces termes. Va, parle à Hananias en ces termes. Ainsi parle le Seigneur. Tu as brisé un joug de bois, et tu as fait à sa place un joug de fer. Car ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations, pour qu'elles soient assujetties à Nabuchodonosor, et elles lui seront assujetties. Je lui ai donné même les animaux des champs. Puis Jérémie le prophète dit à Hananias le prophète: Écoute, Hananias, le Seigneur ne t'a pas envoyé, et tu as fait que ce peuple se confie au mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Voici que je te renvoie de la face de la terre. Cette année même tu mourras, car tu as prêché la révolte contre le Seigneur. Et Hananias le prophète mourut cette même année, au 7e mois. Chapitre 29. Voici le texte de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait déporté de Jérusalem à Babylone. Après que furent sortis de Jérusalem le roi Jéconias, la reine mère, les eunuques, les princes de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers. Il l'envoya par l'intermédiaire d'Élasa, fils de Saphan, et de Gamarias, fils d'Elcias, que Sédécias, roi de Juda, avait député à Babylone auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Elle disait: Ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai exilés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez à vos filles des maris, et qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-vous dans ce pays et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez le Seigneur pour elle, car son bien sera votre bien. Car ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas séduire par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins, et n'écoutez pas les songes que vous vous donnez, car c'est faussement qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés. Oracle du Seigneur. Car ainsi parle le Seigneur. C'est lorsque 70 ans se seront accomplis pour Babylone que je vous visiterai et que j'exécuterai pour vous ma bonne parole, en vous ramenant en ce lieu. Car moi, je connais les pensées que j'ai pour vous. Oracle du Seigneur. Pensée de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'appellerez, et vous viendrez, et vous me prierez, et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Et je me laisserai trouver par vous, oracle du Seigneur. Je ramènerai vos captifs, et je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous aurai chassés, oracle du Seigneur. Et je vous ramènerai au lieu d'où je vous ai exilés. Mais, dites-vous, le Seigneur nous a suscité des prophètes à Babylone. Ainsi parle le Seigneur touchant le roi qui est assis sur le trône de David, tout le peuple qui habite dans cette ville et vos frères qui ne sont pas partis avec vous en exil. Ainsi parle le Seigneur des armées. Je vais envoyer contre eux l'épée, la famine et la peste. Je les traiterai comme les figues détestables dont on ne peut manger, tant elles sont mauvaises. Je les poursuivrai avec l'épée, la famine et la peste, et j'en ferai un objet de terreur dans tous les royaumes de la terre. Un objet de malédiction, de stupeur, de moquerie, d'opprobre, parmi toutes les nations où je les aurai chassés, parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles. Oracle du Seigneur. Alors que je leur ai envoyé mes serviteurs les prophètes, les envoyant dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Oracle du Seigneur. Vous donc, écoutez la parole du Seigneur. Vous tous, captifs que j'ai envoyés de Jérusalem à Babylone. Ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël, au sujet d'Akab, fils de Colias, et de Sédécias, fils de Maasias, qui vous prophétisent en mon nom des mensonges. Voici que je les livre aux mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, et il les fera mourir sous vos yeux. On tirera d'eux une formule de malédiction parmi tous les captifs de Juda qui sont à Babylone, en disant « Que le Seigneur te traite comme Sédécias et Akab, que le roi de Babylone a fait rôtir au feu. Parce qu'ils ont fait une infamie en Israël, en commettant l'adultère avec les femmes de leurs prochains, et en prononçant en mon nom des mensonges, ce que je ne leur avais pas commandé. Et moi je le sais, et je suis témoin. Oracle du Seigneur. Et à Sémeias, le Néhélamite, tu diras. Ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël. Tu as envoyé en ton nom à tout le peuple qui est à Jérusalem, au prêtre Sophonie, fils de Maasias, et à tous les prêtres des lettres pour leur dire. Le Seigneur t'a établi prêtre à la place du prêtre Joïada, afin qu'il y ait des surveillants dans la maison du Seigneur pour tout homme qui fait l'inspiré et le prophète, afin que tu le mettes au cep ou au carcan. Et maintenant, pourquoi donc n'as-tu pas réprimé Jérémie d'Anatote qui vous prophétise ? Grâce à cela, il a pu nous envoyer dire à Babylone. Ce sera long. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Sophonie, le prêtre, lut cette lettre devant Jérémie le prophète. Et la parole du Seigneur fut adressée à Jérémie en ces termes. Envoie dire à tous les exilés. Ainsi parle le Seigneur au sujet de Sémeias, le Néhélamite. Parce que Sémeias vous a prophétisé sans que je l'aie envoyé, et qu'il vous a fait mettre votre confiance en un mensonge, à cause de cela, ainsi parle le Seigneur. Je visiterai Sémeias, le Néhélamite, et sa postérité. Il n'aura personne des siens qui habite au milieu de son peuple. Et il ne verra pas le bien que je ferai à mon peuple, oracle du Seigneur, car il a prêché la révolte contre le Seigneur.